mon avis, ce serait pas correct de ne pas le torturer un peu avant. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ce qui vient tout de suite en tête, c'est la recharge des ondes d'apparence, des ondes d'apparence, suivie par une séance intense d'électrodes sur les testicules. Une balle pile entre les deux yeux. We'll be right back. not attempt to leave the dance floor. We'll be right back.

rebel to the world with no place to go. And so we kick, push. So come and stay with me, just a rebel, looking for a place to be. So let's kick, push. And I'm way grown, just a rebel to the world with no place to go. Kick, push. I'm not gonna fight you, I'm gonna kick your ass. This is the Thank you. de venir une de ces créatures. Errant sans but et sans âme, tu vas guérir. Si ça devait arriver, tu feras ce qu'il y a à faire. Arrête, plus personne ne va mourir. C'est réel. La violence de l'expérience. Changer dans ma manière de percevoir le monde. La liane des morts. Some perspective on reality. La liane des morts. Je vais entreprendre de pénétrer votre esprit. Science. as surtout besoin de te reposer. Ça va te faire dormir. Et quand tu te réveilleras, tu verras qu'on a laissé personne te faire du mal. On se calme, on est des moutons bien dociles, bien dociles. Voilà, oui. Non te lo puoi permettere! break.